Ceci est une lecture de Christiane Johann pour audiocité.net. Ceci est un enregistrement sous licence CC BY-NC SA 2.0 FR. Portrait de femme de Charles-Augustin Sainte-Beuve de l'Académie française. Nouvelle édition revue et corrigée. Paris, 1886. Domaine public. Madame de Staël. 1. On aime, après les révolutions qui ont changé les sociétés, et sitôt les dernières pentes descendues, à se retourner en arrière, et, aux divers sommets qui s'étagent à l'horizon, à voir s'isoler et se tenir, comme les divinités des lieux, certaines grandes figures. Cette personnification du génie des temps en des individus illustres, bien qu'assurément favorisée par la distance, n'est pourtant pas une pure illusion de perspective. L'éloignement dégage et achève ces points de vue, mais ne les crée pas. Il est des représentants naturels et vrais pour chaque moment social. Mais, d'un peu loin seulement, le nombre diminue, le détail se simplifie, et il ne reste qu'une tête dominante. Corinne, vue d'un peu loin, se détache mieux au cap Misaine. La Révolution française, qui, en aucune de ses crises, n'a manqué de grands hommes, a eu aussi ces femmes héroïques ou brillantes, dont le nom s'approprie au caractère de chacune des phases successives. L'ancienne société, en finissant, a eu ses vierges et ses captives qui se sont couronnées d'un vif éclat dans les geôles et sur les échafauds. La bourgeoisie, en surgissant, a produit bien vite ses héroïnes aussi, et ses victimes. Plus tard, l'orage à peine s'enfuyant, des groupes célèbres de femmes se sont élancés, qui ont fêté l'époque du retour à la vie sociale, à l'opulence et au plaisir. L'Empire a eu également ses distinctions dans ce sexe, alors pourtant de peu d'influence. On retrouve à la Restauration quelques noms de femmes supérieures qui la représentent dans la meilleure partie de ses mœurs et dans la distinction modérée de ses nuances. Mais ces diverses renommées successives, qui s'attachent à chacune des phases de la Révolution, viennent, en quelque sorte, trouver leur place et se donner rendez-vous en une seule célébrité qui les comprend et les concilie toutes dans leur ensemble, qui participe de ce qu'elles eurent de brillant et de dévoué, de poli ou d'énergique, de sentimental ou de viril, d'imposant, de spirituel et d'inspiré, en relevant de plus, en encadrant tous ces dons par le génie qui les fait valoir et les immortalise. Issue de souches réformatrices par son père, Madame de Staël se rallie par son éducation et sa première jeunesse au salon de l'Ancien Monde. Les personnages parmi lesquels elle a grandi et qui sourirent à son précoce essor sont tous ceux qui composent le cercle le plus spirituel des dernières années d'autrefois. Lisant, vers 1810, au temps de ses plus grandes persécutions, la correspondance de Madame du Deffand et d'Horace Walpole, elle se trouvait singulièrement émue au souvenir de ce grand monde dont elle avait connu beaucoup de personnages et toutes les familles. Si elle s'y fit remarquer dans sa première attitude par quelque chose de sentimental et d'extrêmement animé, à quoi se prenaient certaines aristocraties envieuses, c'est qu'elle était destinée à porter du mouvement et de l'imprévu partout où elle se serait trouvée. Mais, même en se continuant dans ce cercle pacifique, sa vie en devenait déjà l'un des plus incontestés ornements, et elle allait prolonger, sous une forme moins régulière et plus grandiose, cette galerie des salons illustres de l'ancienne société française. Madame de Staël reproduit donc suffisamment en elle cette manière et ce charme d'autrefois, mais elle ne s'en tient pas à cet héritage, car ce qui la distingue, comme la plupart des génies, et plus éminemment qu'aucun autre, c'est l'universalité d'intelligence, le besoin de renouvellement, la capacité des affections. À côté des succès traditionnels et déjà classiques de Madame du Deffand, de Madame de Beauvau, qu'elle eût continué à sa manière en les rompant avec originalité, elle ne sent pas moins l'énergie récente, le génie plébéien et la virilité des âmes républicaines. Les héroïsmes de Madame Roland et de Charlotte Corday la trouvent prête et sont à l'aise dans son cœur. Ses délicatesses pour les autres nobles amitiés n'y perdent rien. Véritable sœur d'André Chénier, en instinct de dévouement, elle a un cri d'éloquence pour la reine, comme lui pour Louis XVI. Elle viendrait la défendre à la barre s'il y avait chance de la sauver. Elle subit bientôt, et dans son livre « De l'influence des passions », elle exprime toute la tristesse du stoïcisme vertueux en ces temps d'oppression où l'on ne peut que mourir. Sous la période directoriale, ses écrits, sa conversation, sans exclure les qualités précédentes, admettent un ton plus sévère. Elle soutient la cause de la philosophie, de la perfectibilité, de la république modérée et libre, tout comme l'aurait pu faire la veuve de Condorcet. C'est alors ou à peu près, dans la préface de la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, qu'elle exprimait cette mâle pensée. Guillemets. Quelques vies de Plutarque, une lettre de Brutus à Cicéron, des paroles de Caton d'Utique dans la langue d'Addison, des réflexions que la haine de la tyrannie inspirait à Tacite, relèvent l'âme que flétrissaient les événements contemporains. Fin des guillemets. Et cela ne l'empêche pas, au même moment, de se rouvrir et de se complaire à toutes les amitiés de l'ancien monde, à mesure qu'elles reparaissent de l'exil. Et tout à côté, elle apprécie, elle accueille en son cœur la renommée de femme de ce temps la plus en vogue, Madame Récamier, la plus ornée et la plus pure. Elle s'en entoure comme d'une guirlande, tandis que les lettres de Brutus restent entr'ouvertes encore, et que M. de Montmorency lui sourit avec piété. Ainsi, tour à tour, ou à la fois, le mouvement d'esprit des salons du XVIIIe siècle, la vigueur des espérances nouvelles et des fortes entreprises, la tristesse du patriotisme stoïque, comme le retour aux gracieuses amitiés et l'accès aux modernes élégances, se mêlent ou se succèdent en cette âme aussi diverse que véritablement complète. Et plus tard, à sa rentrée en France après l'Empire, dans les trop courtes années qu'elle vécut, la voilà qui saisit, avec la même promptitude, le sens des transactions nécessaires, et sa liaison plus fréquente, dans les derniers temps, avec des personnes comme Madame de Duras, achève de placer en son existence toutes les teintes caractéristiques des phases sociales où elle a passé, depuis le salon à demi philosophique et novateur de sa mère jusqu'au royalisme libéral de la Restauration. À l'apprendre sous ce point de vue, l'existence de Madame de Staël est dans son entier comme un grand empire qu'elle est sans cesse occupée, non moins que cet autre conquérant, son contemporain et son oppresseur, à compléter et à augmenter. Mais ce n'est pas dans un sens matériel qu'elle s'agite. Ce n'est pas une province après une province, un royaume après un autre, que son activité infatigable convoite et entasse. C'est dans l'ordre de l'esprit qu'elle s'épand sans cesse. C'est la multiplicité des idées élevées, des sentiments profonds, des relations enviables qu'elle cherche à organiser en elle, autour d'elle. Oui, en ces années de vie entière et puissante, instinctivement et par l'effet d'une sympathie, d'une curiosité impétueuse, elle aspirait, on peut le dire avec éloge, elle aspirait à une vaste cour, à un empire croissant d'intelligence et d'affection, où rien d'important ou de gracieux ne fût omis, où toutes les distinctions de talent, de naissance, de patriotisme, de beauté, eussent leur trône sous ses regards. Comme une impératrice de la pensée, elle aimait à enserrer dans ses libres domaines tous les apanages. Quand Bonaparte la frappa, il en voulait confusément à cette rivalité qu'elle affectait sans s'en rendre compte elle-même. Le caractère dominant de Madame de Staël, l'unité principale de tous les contrastes qu'elle embrassait, l'esprit rapide et pénétrant qui circulait de l'un à l'autre et soutenait cet assemblage merveilleux, c'était à coup sûr la conversation, la parole improvisée, soudaine, au moment où elle jaillissait toute divine de la source perpétuelle de son âme. C'était là, à proprement parler, ce qui constituait pour elle la vie, mot magique qu'elle a tant employé, et qu'il faut employer si souvent à son exemple en parlant d'elle. Tous les contemporains se montrent unanimes là-dessus. Il en est d'elle comme du grand orateur athénien. Quand vous admirez et que vous vous émouvez aux pages spirituelles ou brûlantes, quelqu'un toujours peut dire « Que serait-ce donc si vous l'aviez entendue elle-même ?» Les adversaires et les critiques, qui se servent volontiers d'une supériorité pour en combattre une autre, dans tout grand individu trop complet à leurs yeux. Note. Sed mos est hominum, ut nolint, eum dem pluribus rebus excellere. A dit Cicéron, Brutus 21. Et à plus forte raison quand au lieu de eum dem, on a eam dem. Reprise. Les adversaires et les critiques qui se servent volontiers d'une supériorité pour en combattre une autre, dans tout grand individu trop complet à leurs yeux, qui prennent acte du talent déjà prouvé contre le talent nouveau auquel il prétend, rendent sur ce point à Madame de Staël un hommage intéressé et quelque peu perfide, égal, quoi qu'il en soit, à celui de ses admirateurs. Fontane, en 1800, terminait les fameux articles du Mercure par ces mots. Guillemets. En écrivant, elle croyait converser encore. Ceux qui l'écoutent ne cessent de l'applaudir. Je ne l'entendais point quand je l'ai critiquée. Fin des guillemets. Longtemps, en effet, les écrits de Madame de Staël se ressentirent des habitudes de sa conversation. En les lisant, si courants et si vifs, on croirait souvent l'entendre. Des négligences seulement, des façons de dire ébauchées, des rapidités permises à la conversation et aperçues à la lecture, avertissent que le mode d'expression a changé et eût demandé plus de recueillement. Mais quelle qu'ait été chez Madame de Staël la supériorité et la prédominance de sa conversation sur son style écrit, du moins par rapport à ses premiers ouvrages, il n'en est pas d'elle comme des grands hommes orateurs, improvisateurs, les Mirabeau, les Diderot, un peu pareils aux Talma, puissantes renommées qui eurent le sceptre, et dont il reste des témoignages écrits bien inférieurs à leur action et à leur gloire. Elle a laissé assez d'œuvres durables pour témoigner dignement d'elle-même et n'avoir pas besoin devant la postérité d'explications étrangères ni du cortège des souvenirs contemporains. Peut-être, et M. de Chateaubriand l'a remarqué, dans un jugement porté sur elle vers l'époque de sa mort. Pour rendre ses ouvrages plus parfaits, il eût suffi de lui ôter un talent, celui de la conversation. Telle que nous la voyons réalisée pourtant, sa part d'écrivain est assez belle. Malgré les défauts de sa manière, a dit M. de Chateaubriand au même endroit, elle ajoutera un nom de plus à la liste des noms qui ne doivent point mourir. Ses écrits, en effet, dans l'imperfection même de beaucoup de détails, dans la succession précipitée des aperçus et le délié des mouvements, ne traduisent souvent que mieux sa pensée subtile, son âme respirante et agitée. Et puis, comme art, comme poème, le roman de Corinne, à lui seul, présenterait un monument immortel. Artiste à un haut degré par Corinne, Madame de Staël demeure éminente en ses autres développements, à titre de politique, de moraliste, de critique et d'écrivain de mémoire. C'est cette vie, une et variée, émanation de l'âme à travers les écrits, et qui ne circulaient pas moins à l'entour et dans les circonstances de leur composition, que nous voudrions essayer d'évoquer, de concentrer par endroits pour rendre aux autres l'impression sensible que nous nous en sommes formés. Nous savons combien il est délicat de faire accorder cette impression, en partie conjecturale et déjà poétique, avec celle de la réalité encore récente, combien les contemporains immédiats ont toujours quelques particularités à opposer à l'image qu'on veut concevoir de la personne qu'ils ont connue. Nous savons tout ce que nécessairement il y a dans une vie diverse, orageuse, d'infractions de détails, au dessin général qu'on en recompose à distance. Mais ceci, d'abord, est bien moins une biographie qu'une idée, un reflet de peinture morale sur la critique littéraire. Et j'ai tâché, d'ailleurs, dans les traits généraux de ce grand esprit, de tenir compte de beaucoup plus de détails et de souvenirs minutieux qu'il ne convenait d'en exprimer. Mademoiselle Germaine Necker, élevée entre la sévérité un peu rigide de sa mère et les encouragements tantôt enjoués, tantôt éloquents de son père, dut pencher naturellement de ce dernier côté et devint de bonne heure un enfant prodigieux. Elle avait sa place dans le salon, sur un petit tabouret de bois, près du fauteuil de Madame Necker, qui l'obligeait à s'y tenir droite. Mais ce que Madame Necker ne pouvait contraindre, c'étaient les réponses de l'enfant aux personnages célèbres, tels que Grimm, Thomas, Rénal, Gibbon, Marmontel, qui se plaisaient à l'entourer, à la provoquer de questions, et qui ne la trouvaient jamais en défaut. Madame Necker de Saussure a peint à merveille ses commencements gracieux dans l'excellente notice qu'elle a écrite sur sa cousine. Mademoiselle Necker lisait donc des livres au-dessus de son âge, allait à la comédie, en faisait des extraits au retour. Plus enfant, son principal jeu avait été de tailler en papier des figures de rois et de reines et de leur faire jouer la tragédie. Ce furent là ses marionnettes, comme Goethe eut les siennes. L'instinct dramatique, le besoin d'émotion et d'expression, se trahissaient en tout chez elle. Dès 11 ans, Mademoiselle Necker composait des portraits, des éloges, suivant la mode d'alors. Elle écrivit à 15 ans des extraits de l'Esprit des lois avec des réflexions. À cet âge, en 1781, lors de l'apparition du compte rendu, elle adressa à son père une lettre anonyme où son style la fit reconnaître. Mais ce qui prédominait surtout en elle, c'était cette sensibilité qui, vers la fin du XVIIIe siècle, et principalement par l'influence de Jean-Jacques, devint régnante sur les jeunes cœurs, et qui offrait un si singulier contraste avec l'analyse excessive et les prétentions incrédules du reste de l'époque. Dans cette revanche un peu désordonnée des puissances instinctives de l'âme, la rêverie, la mélancolie, la pitié, l'enthousiasme pour le génie, pour la nature, pour la vertu et le malheur, ces sentiments que la nouvelle Héloïse avait propagés s'emparèrent fortement de Mademoiselle Necker et imprimèrent à toute la première partie de sa vie et de ses écrits un ton ingénument exagéré qui ne laisse pas d'avoir son charme, même en faisant sourire. Cette disposition se montra tout d'abord dans son enthousiasme pour son père, enthousiasme que le temps et la mort ne firent qu'accroître, mais qui a sa source en ses premières années. C'était au point de paraître, en certains moments, comme jalouse de sa mère. Racontant dans la vie de M. Necker le long séjour qu'il fit à Paris, jeune et non marié encore, Madame de Staël a pu dire, guillemets, « Quelquefois, en causant avec moi dans sa retraite, il repassait ce temps de sa vie dont le souvenir m'attendrissait profondément. Ce temps où je me le représentais si jeune, si aimable, si seul. Ce temps où nos destinées auraient pu s'unir pour toujours, si le sort nous avait créés contemporains. » Fin des guillemets. Et plus loin, parlant de sa mère, guillemets, il lui fallait l'être unique. Elle l'a trouvé. Elle a passé sa vie avec lui. Dieu lui a épargné le malheur de lui survivre. Elle a plus mérité que moi d'être heureuse. » Fin des guillemets. Ce culte de Madame de Staël pour son père, c'est, avec plus de solennité et certes non moins de profondeur, l'inverse et le pendant du sentiment de Madame de Sévigné pour sa fille. On aime à rencontrer de si ardentes et de si pures affections chez de si brillants esprits. Quant à Madame de Staël, on se rend mieux compte encore de cette chaleur et de cette durée du culte filial. Dans cette ruine successive qui se fait en avançant, de toutes les illusions du cœur et de la pensée, un seul être mortel, un seul entre ceux d'autrefois et des plus anciennement aimés, était resté debout en son souvenir, sans atteinte, sans tache, sans diminution aucune, ni infidélité au passé. Et sur cette tête auguste reposait, immortelle et déjà céleste, toutes les flammes ailleurs évanouies de sa jeunesse. À cet âge d'exaltation, la rêverie, les combinaisons romanesques, le sentiment et les obstacles qu'il rencontre, la facilité à souffrir et à mourir, étaient, après le culte singulier pour son père, les plus chères occupations de son âme, de cette âme vive et triste, et qui ne s'amusait que de ce qui la faisait pleurer. Elle aimait écrire sur ses sujets de prédilection, et le faisait à la dérobée, ainsi que pour certaines lectures que Madame Necker n'eût pas choisies. Je me la figure dans le cabinet d'études, sous les yeux de sa mère assise, elle debout, se promenant de long en large, un volume à la main, et tour à tour lisant le livre de rigueur quand elle s'avançait vers sa mère, et puis reprenant le roman sentimental, quelques nouvelles de Madame Riccoboni, peut-être, lorsqu'elle s'éloignait à pas lents. Elle disait plus tard que l'enlèvement de Clarisse avait été l'un des événements de sa jeunesse, mot charmant, une fois trouvé, qui résume tout un monde d'émotions premières. Que ce soit à propos de Clarisse ou de quelque autre, chaque imagination poétique et tendre peut se redire cela. Le plus précoce des écrits imprimés de Mademoiselle Necker, s'il était réellement d'elle, devrait être un volume intitulé « Lettre de Nanine à Saint-Phal », que M. Beuchot paraît attribuer à notre auteur, mais qui fut désavoué dans le temps, 1818. Ce petit roman, qui n'offre rien qu'une jeune personne exaltée et innocente n'ait pu imaginer, et dont le fond ne diffère guère de Sophie, de Mirza, de Pauline et autres productions du premier début, est une inexpérience de style et de composition plus grande encore. Je n'y ai trouvé à remarquer, comme ton de l'époque, comme couleur du paysage familier aux héroïnes de 14 ans, que ces paroles de Nanine. Guillemets. Je parvins hier matin à aller au tombeau. J'y versai un torrent de ces larmes précieuses que le sentiment et la douleur fournissent aux malheureux de mon espèce. Une grande pluie qui survint me fit croire la nature sensible à mes maux. Chaque feuille semblait pleurer avec moi. Les oiseaux semblaient interdits par mes gémissements. Cette idée saisit tellement mon âme que je fis tout haut à l'Éternel les plus véhémentes prières. Ne pouvant rester longtemps dans ce désert, je revins cacher ici ma tristesse, etc. Fin des guillemets. Sophie, ou Les sentiments secrets, composée à 20 ans, vers 1786, ou même auparavant, est un drame en vers dont la scène se passe dans un jardin anglais, en vue d'une urne environnée de cyprès et d'arbres funèbres. Cécile, enfant de 6 ans, s'avançant vers la triste Sophie, qu'une passion silencieuse dévore, lui dit « Pourquoi donc loin de nous restes-tu maintenant? Mon père est inquiet. » Sophie : « Ton père ? » Cécile : « mon ami, il redoute pour toi de la mélancolie. Explique-moi ce mot. » N'est-ce pas ainsi que Mademoiselle Necker demanda un jour brusquement à la vieille maréchale de Mouchy ce qu'elle pensait de l'amour ? Folle histoire dont s'égayait tant Monsieur Necker et dont sa fille aimait chaque fois à le faire ressouvenir. Il y avait, sinon dans les premiers écrits de Madame de Staël, du moins dans sa personne, une vivacité alliée à la tristesse, une spirituelle pétulance à côté de la mélancolie, une facilité piquante à saisir vite son propre ridicule et à en faire justice, qui la sauvait de toute fadeur et qui attestait la vigueur saine du dedans. C'est dans la pièce de Sophie que se trouvent ces charmants vers, dont se souviennent volontiers encore quelques personnes contemporaines de l'auteur. Lorsqu'on les entend pour la première fois, on s'étonne de les point connaître, on se demande où Madame de Staël a pu les dire. On ne s'aviserait point de chercher là cette jolie perle un peu noyée. Mais un jour vous saurez ce qu'éprouve le cœur quand un vrai sentiment n'en fait pas le bonheur. Lorsque sur cette terre on se sent délaissé, qu'on n'ait d'aucun objet la première pensée. Lorsque l'on peut souffrir, sûr que ces douleurs d'aucun mortel jamais ne font couler les pleurs. On se désintéresse à la fin de soi-même, on cesse de s'aimer si quelqu'un ne nous aime. Et d'insipides jours, l'un sur l'autre entassés, se passent lentement et sont vite effacés. Acte 2, scène 8. Les trois nouvelles publiées en 95 et composées 10 ans auparavant, Mirza, Adélaïde et Théodore, Pauline, ont tout à fait la même couleur que Sophie, et leur prose facile les rend plus attachantes. Ce sont toujours, que la scène se passe en Afrique chez les nègres ou au fond de nos parcs anglais, ce sont des infortunés que la sensibilité enveloppe d'un nuage, des amants que la nouvelle funeste d'une infidélité réduit à l'état d'ombre. C'est quelque tombeau qui s'élève au sein des bosquets. Je crois, en lisant ces évanouissements, ces morts si promptes, me retrouver avec les personnages assez semblables du bon abbé Prévost, ou plutôt je me promène véritablement dans les bosquets de Saint-Ouen où Mademoiselle Necker égarait ses rêves, dans les jardins d'Ermenonville où tant de pèlerinages allaient s'inspirer. Je comprends sous quelles allées ont erré, de quels ombrages sont sortis en pleurs Madame de Montaulieu et Cotin et Madame Desbord de Valmore. Ce ne devait être, pour Madame de Staël, qu'un séjour passager, une saison de sa première jeunesse. Plus tard, bientôt, brisée par le spectacle des passions publiques, avertie peut-être aussi par quelques blessures, elle sera en réaction contre elle-même, contre cette expansion extrême de la sensibilité. Dans son livre « De l'influence des passions », elle essaiera de les combattre, elle les voudrait supprimer, mais son accent accusateur en est plein encore, et cette voix qui s'efforce ne paraît que plus émue. Tant d'appareils stoïques aboutit bien vite à Delphine. Elle restera toute sa vie le génie le plus entraîné et le plus aimant. Monsieur de Guibert avait tracé de Mademoiselle Necker, lorsqu'elle atteignait déjà sa 20e année, un portrait brillant, cité par Madame Necker de Saussure. Ce morceau est censé traduit d'un poète grec et exprime bien le goût de la société d'alors, celui du jeune Anacharsis. Les portraits du duc et de la duchesse de Choiseul ont été donnés, on le sait, par l'abbé Barthélémy, sous les noms d'Arsam et de Fédime. Voici quelques traits de celui de Zulmé par Monsieur de Guibert. Guillemets. Zulmé n'a que 20 ans, et elle est la prêtresse la plus célèbre d'Apollon. Elle est celle dont l'encens lui est le plus agréable, dont les hymnes lui sont les plus chers. Ses grands yeux noirs étincelaient de génie. Ses cheveux de couleur d'ébène retombaient sur ses épaules en boucles ondoyantes. Ses traits étaient plutôt prononcés que délicats. On y sentait quelque chose au-dessus de la destinée de son sexe. Fin des guillemets. J'ai eu moi-même, sous les yeux, un portrait peint de Mademoiselle Necker, toute jeune personne. C'est bien ainsi. Cheveux épars et légèrement bouffants, l'œil confiant et baigné de clarté, le front haut, la lèvre entr'ouverte et parlante, modérément épaisse en signe d'intelligence et de bonté, le teint animé par le sentiment, le cou, les bras nus, un costume léger, un ruban qui flotte à la ceinture, le sein respirant à pleine haleine. Telle pouvait être la Sophie de l'Émile, telle l'auteur des lettres sur Jean-Jacques, accompagnant l'admirable Guy dans son Élysée, s'excitant de chacun de ses pas, allant, revenant sans cesse, tantôt à côté et quelquefois en avant. Les lettres sur Jean-Jacques, composées dès 1787, sont, à vrai dire, le premier ouvrage de Madame de Staël, celui duquel il faut dater avec elle, et où se produisent, armées déjà de fermeté et d'éloquence, ses dispositions, jusque-là vaguement essayées. Grimm, dans sa correspondance, note. Grimm, ou peut-être son secrétaire et suppléant, l'aimable Meister, qui tenait souvent la plume pour lui en ces années. Reprise. Grimm, dans sa correspondance, donne des extraits de ce charmant ouvrage, comme il l'appelle, dont il ne fut tiré d'abord qu'une vingtaine d'exemplaires, mais qui, malgré les réserves infinies de la distribution, ne put bientôt échapper à l'honneur d'une édition publique. Avant de donner des extraits du livre, le spirituel habitué du salon de Madame Necker vante et caractérise guillemets, cette jeune personne entourée de toutes les illusions de son âge, de tous les plaisirs de la ville et de la cour, de tous les hommages que lui attire la gloire de son père et sa propre célébrité, sans compter encore un désir de plaire tel qu'il suppléerait seul peut-être tous les moyens que lui ont prodigués la nature et le destin. Fin des guillemets. Les lettres sur Jean-Jacques sont un hommage de reconnaissance envers l'auteur admiré et préféré, envers celui même à qui Madame de Staël se rattache le plus immédiatement. Assez d'autres dissimulent avec soin, thèse ou critique, les parents littéraires dont ils procèdent. Il est d'une noble candeur de débuter en avouant, en célébrant, celui de qui l'on s'est inspiré, des mains duquel on a reçu le flambeau, celui d'où nous est venu ce large fleuve de la belle parole, dont autrefois Dante remerciez Virgile. Madame de Staël, en littérature aussi, avait de la passion filiale. Les lettres sur Jean-Jacques sont un hymne, mais un hymne nourri de pensées graves, en même temps que varié d'observations fines. Un hymne au ton déjà mâle et soutenu, où Corinne se pourra reconnaître encore après être redescendue du Capitole. Tous les écrits futurs de Madame de Staël en divers genres, romans, morales, politiques, se trouvent d'avance présagés dans cette rapide et harmonieuse louange de ceux de Rousseau, comme une grande œuvre musicale se pose, entière déjà de pensée, dans son ouverture. Le succès de ces lettres, qui répondaient au mouvement sympathique du temps, fut universel. Grimm parle également, mais d'après un manuscrit communiqué, et donne un extrait de l'éloge de M. de Guibert, 1789, imprimé seulement depuis dans l'édition des œuvres complètes. L'enthousiasme de Madame de Staël ne va pas moins haut pour l'objet de cet éloge que tout à l'heure il n'éclatait pour Jean-Jacques. bien qu'un tel sentiment puisse sembler ici moins motivé. Mais elle a semé dans cet écrit les vues politiques hardies et neuves, en y prodiguant trop l'apothéose et la croyance au génie. À travers son exagération pathétique, qu'elle prend pour de la modération, elle réussit, quoi qu'il en soit, à nous faire estimer et plaindre ce personnage fort admiré et fort envié en son temps, tout simplement oublié depuis, et qui ne vivra désormais un peu que par elle. M. de Guibert, dans son discours de réception à l'Académie, répéta nombre de fois le mot de gloire, trahissant par là, involontairement, dit-elle, sa passion auguste. Pour moi, je sais gré, à cet esprit noblement ambitieux, à cet homme de génie manqué, d'avoir conçu, l'un des premiers, les idées et les moyens de réforme, les États généraux, la milice citoyenne. Mais je lui sais gré, surtout, d'avoir auguré avec certitude et exprimé à l'avance, sous les traits de Zulmé, les grandeurs futures de Corinne. Les succès de littérature et de monde attirèrent dès ce temps à Madame de Staël le persiflage des esprits railleurs, comme nous les verrons plus tard se liguer de nouveau contre elle, à l'époque de 1800. Chansonnet et Rivarol, qui avaient donné le petit dictionnaire des grands hommes en 1788, firent, 2 ans après, un autre petit dictionnaire des grands hommes de la Révolution, et le dédièrent à la baronne de Staël, ambassadrice de Suède auprès de la nation. Cette épître atteignit du premier coup le diapason du ton auquel fut montée la plupart des critiques venues dans la suite. Rivarol et Chansonnet possédaient bien en effet le tour d'ironie dont plus tard les Fiévé, les Michaud et autres firent preuve contre Madame de Staël. Mais dès lors, au dire de Grimm, l'objet de ces satires avait su se placer à une hauteur où de pareils traits ne portaient pas. Les terribles événements de la Révolution française vinrent couper court à cette première partie d'une vie littéraire si brillamment accueillie, et suspendre, inutilement, je le crois, pour la pensée, le tourbillon mondain qui ne laissait pas de trêve. Malgré sa croyance absolue en M. Necker, malgré l'adoption complète et la revendication définitive qu'elle fit des idées politiques de son père, dans le livre des « Considérations sur la Révolution française », il faut noter que Madame de Staël, jeune, enthousiaste, se hasardait alors plus loin que lui dans la même route. Elle ne se tenait pas aux combinaisons de la Constitution anglaise. Elle allait aussi avant sur bien des points que les royalistes constitutionnels de la plus vive génération, tels que messieurs de Narbonne, de Montmorency et M. de Lafayette lui-même. En un mot, s'il fallait dès lors assigner une ligne politique à une pensée si traversée et si balancée par les affections, ce serait moins encore dans le groupe de messieurs Malouet, Mounier et Necker qu'on devrait, pour être exact, se représenter Madame de Staël que dans celui des royalistes constitutionnels de 91, avec lesquels seulement elle s'arrêta. On peut voir d'elle, au reste, un article de journal conservé dans ses œuvres, seule expression écrite de son opinion à cette époque. Elle y juge Mirabeau mort d'un ton de faveur qu'elle a depuis rétracté. Note. De curieux détails sur cette époque de la vie de Madame de Staël se peuvent lire dans le mémorial de gouverneur Maurice, édition française, tome 1, page 256-322, presque à chaque page. Maurice est un homme d'esprit moqueur et qui écrit chaque soir en rentrant chez lui. Auprès d'un tel témoin, l'enthousiasme a peu de faveur. Madame de Staël, dans sa forme exaltée, n'a pas toujours tort pourtant. Guillemets. 25 janvier 1791. À 3 heures, je vais dîner chez Madame de Staël. Elle n'est pas encore rentrée. J'y trouve l'abbé Seyès. Il disserte. Madame de Staël dit que les écrits et les opinions de l'abbé formeront une nouvelle ère en politique, comme ceux de Newton en physique. Fin des guillemets.